Merci de choisir la radio Isanganilo pour vous informer. Bienvenue à l'écoute de ce journal dont voici d'abord les principaux titres. La pénurie du carburant va trouver solution avec l'importation de ce produit qui va servir le pays pendant 3 mois que le gouvernement prévoit de faire, assure la ministre ayant le transport dans ses attributions. Il a mis en garde ceux qui font la spéculation du carburant qu'ils seront punis par la loi. Les dépenses totales de l'État ont passé de 3 780 milliards en 2023-2024 à plus de 4 380 milliards cette année. Les députés sont inquiets par rapport à l'augmentation chaque année des dépenses de l'État et des recettes. Vous entendrez les détails au cours de cette édition. Et en province, les travaux de réhabilitation du pont sur la rivière Guitotoué sur la route nationale numéro 3, tronçon Lumongue-Nyanzalac, vont reprendre. L'agence routière du Burundi avait décidé leur suspension car les résultats des essais étaient en dessous des normes. À la présentation, vous êtes avec Doré Bingabilé. Albin Douayo assure la mise en onde. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Bienvenue encore. Certains habitants du sud de la capitale dénoncent le fait que certains, parmi ceux qui font le transport en commun, se cachent derrière la pénurie du carburant pour augmenter le prix du ticket. À titre d'exemple, un ticket pour l'itinéraire de Kanyosha-Ville ou de Villa-Boussolo est taxé 1000 francs ou 1200 au lieu des 650 connus. Ces habitants se lamentent que cette somme dépensée alourdit leur quotidien. Sheila Ilambona. Sous un soleil accablant et cherchant comment joindre la capitale avec tous les moyens, c'est comme cela que nous avons trouvé certains habitants de la zone Kanyosha à la première avenue, ainsi que ceux du quartier Boussolo. À la première avenue, certains jouaient des coudes lorsque un bus arrivait, tandis que d'autres préféraient s'engouffrer dans des taxis. Interrogés, certains ont affirmé que suite à la pénurie du carburant qui s'observe dans le pays, se déplacer du centre-ville vers Kanyosha ou vice-versa est un problème. Ils témoignent qu'il y a ceux qui font le transport en commun, qui font des magouilles. Ils surenchérissent le ticket de transport. Ceux qui font le transport par bus fournissent trop d'efforts pour avoir du carburant. Ainsi, ils fixent un prix pour le trajet Kanyosha-centre-ville à 1000 francs bout. Depuis qu'il y a un problème de carburant, ça devient très difficile pour se déplacer en ville. Par taxi, ça varie selon le nombre de gens qu'on transporte. Si vous êtes à 3, c'est 4 000, 5 000. Si vous êtes à 4, on essaie de rabattre jusqu'à 3 000, parfois 4 000. L'autre point relevé est que d'autres transporteurs préfèrent changer d'itinéraire au lieu de Kanyosha centre-ville. Ils font le transport de Kanyosha vers le marché dit chez Sion pour 1200 francs. Tous ces gens demandent à ce que le problème de carburant soit résolu car il est source de tous ces problèmes. C'est exorbitant. Vous imaginez quelqu'un qui part en ville, il dépense 4 000. Il ne sait pas s'il va rentrer avec quoi. Avec le bus, ça aide aux gens beaucoup parce que le 600 francs, même s'il dépense, ce n'est pas la même chose. Comme s'il dépense 5 000 francs. Et selon les revenus, on demande de changer. Quand même, on a besoin aussi de dépenser moins. Tu vois, actuellement, le salaire n'a pas monté. Vivons, comme je peux dire, par jour. Alors, on demande que l'eau se stabilise comme avant. Nous demandons qu'ils fassent de leur mieux pour que ces bus soient approvisionnés en carburant afin que nous ayons des moyens de déplacement facilement. Même si ceux qui attendaient le bus à la première avenue de Kanyosha jouaient des coudes à Boussolo, ce qui s'est fait remarquer, c'est que ceux qui faisaient la queue montaient en bus un à un dans toute quiétude. Sheila Ilambona, le problème du manque du carburant qui s'observe dans le pays va trouver solution d'ici peu, car, je cite, le gouvernement compte importer le carburant qui va servir le pays pendant une période de 3 mois. Cela a été dit par la ministre ayant le transport dans ses attributions lors de la clôture des états généraux dans le secteur du commerce qui se sont déroulés à Bujumbura du 13 au 14 juin. Marie-Chantal Nijimbele met en garde ceux qui font la spéculation du carburant qu'ils seront punis conformément à la loi. Suivez-la. Je voudrais tenir à informer que la pénurie du carburant ou la paralysie sur le circuit d'approvisionnement du carburant dans un pays enclavé sans littoral comme le Burundi, c'est vraiment une situation qui peut parvenir aujourd'hui ou demain. suite à des contextes ou suite à des facteurs endogènes ou exogènes qu'on peut contrôler, d'autres qu'on peut ne pas contrôler. L'essentiel, c'est que toutes les parties prenantes, que ce soit le secteur privé et le secteur public, puissent s'asseoir ensemble face à ce contexte, comment rendre le secteur du transport plus résilient face à cette situation. D'ailleurs, c'est l'un des problèmes qui a été soulevé durant ces états généraux sur le transport, mais on a pu échanger sur cette situation conjoncturelle et on a vu qu'il y a des solutions ou des alternatives qui peuvent être proposées pour que cette situation conjoncturelle puisse être réglée. Je voudrais aussi mentionner que c'est face à un problème comme celle-ci du manque de carburant, ça n'affecte pas seulement le secteur privé, ça affecte également le secteur public. Donc c'est un problème collectif qui doit être géré comme un problème collectif, pas comme un problème personnel, pour qu'on puisse avoir cette conscience pendant des situations conjoncturelles comme telles, pour qu'il n'y ait pas beaucoup de spéculation. Parce que quand il y a des spéculations, le peu de carburant que nous recevons sera mal géré, non pas par tel ou tel, que ce soit tous les acteurs. S'il est mal géré par tous les acteurs, ça veut dire que nous tous, on sera impactés. Marie Chantal Nidjimbele, la ministre ayant le transport dans ses attributions. Adoption ce jeudi du projet de loi portant fixation du budget général de l'État pour l'exercice 2024-2025. Les dépenses totales de l'État passent de 3 780 milliards pour l'année 2020. Veuillez nous excuser pour ce problème technique. J'étais en train de vous le dire. Adoption ce jeudi du projet de loi portant fixation du budget général de l'État pour l'exercice 2024-2025. Les dépenses totales de l'État passent de 3 780 milliards pour l'année 2023-2024 à plus de 4 380 milliards, soit un accroissement de près de 16% avec un déficit global qui s'élève à plus de 440 milliards de francs bout. Après la présentation de ce projet à l'Assemblée nationale ce jeudi, par le ministre des Finances, les députés ayant soulevé des inquiétudes par rapport à l'augmentation chaque année des dépenses de l'État et des recettes. Le ministre ayant répondu que l'une des raisons est l'augmentation des salaires. Les détails avec Ornella Mucho. Après la présentation des projets de loi portant fixation du budget général pour l'exercice 2024-2025, certains députés ont soulevé leurs inquiétudes par rapport à l'augmentation des recettes au moment où la population burundaise fait face à la cherté de la vie. D'autres inquiétudes soulevées sont par rapport au déficit global de ce projet de loi s'élevant à plus de 441 milliards de francs burundais au moment où les dépenses totales de l'État ont augmenté jusqu'à peu près de 16% pour l'exercice 2024-2025. Mon inquiétude est par rapport à l'augmentation des taxes de 25% pour les limonades. Est-ce que vous ne voyez pas que ce sera trop cher pour les consommateurs et peut-être limiter les commerçants qui veulent importer ces produits? La vie sera trop dure pour la population burundaise par rapport à ces surtaxations de 20% sur différents produits, notamment sur les tissus, ce qui sera par conséquent cher pour l'achat des uniformes. Une autre chose qui m'a fort touché, c'est le budget alloué à l'intendance qui passe de 354 millions à 720 millions au moment où le chef de l'État a affirmé lui-même qu'il est financièrement stable À ces inquiétudes, le ministre des Finances, Audace Nyonzima, indique que les grandes dépenses sont à l'origine de l'augmentation de l'enveloppe des salaires et des traitements qui passe de plus de 890 milliards à plus de 1100 milliards de francs burundais par rapport à l'augmentation des taxes et impôts. Il indique que cette augmentation découle des impacts budgétaires enregistrés sur les nouvelles dispositions des recettes fiscales et non fiscales. Le gouvernement doit imposer le prélèvement des impôts et taxes pour financer les dépenses publiques, dont la construction des routes, des écoles, les salaires. Les impôts et taxes doivent être perçus, sinon je ne vois pas comment mettre en œuvre ces priorités du gouvernement. Par rapport à la question de l'honorable Euphrasie, la taxation de 25% des limonades, c'est pour privilégier les usines locales. C'est vrai, elles ne sont pas en mesure de produire une quantité suffisante. Mais ça ne restera pas comme ça. Par rapport à la question de l'honorable Guassa sur le budget de l'intendance de la présidence, là, je n'ai pas beaucoup à dire parce que pendant l'élaboration de ce projet, la demande est faite par les agents de l'institution sur base des fonds nécessaires. Après échange et débat, ce projet de loi portant fixation du budget général pour l'exercice 2024-2025 a été adopté à 85%, dont 15% d'abstention. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Vous êtes bien à l'écoute de la radio Isanganiro. Il est 18h passé de 12 minutes dans nos studios. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur nos plateformes sociales. Sur Facebook, c'est Radio Télévision Isanganiro RTI. Sur X, c'est RT Isanganiro. Vous pouvez également nous retrouver en ligne, c'est www.isanganiro.org. Dans la suite de cette édition, en parlant société, l'association Albinos Sans Frontières plaide pour la garantie de la sécurité des albinos à travers le pays. Propos d'Anissé Banglimana, représentant légal de cette association, date du 13 juin, journée internationale dédiée à la sensibilisation à l'albinisme. Son représentant s'inscrit en faux contre les maltraitances à l'endroit de ces gens avec handicap de peau en leur milieu et demande à tout un chacun de rassurer la dignité de cette catégorie de gens. On l'écoute. Aujourd'hui, nous avons invité les parents ayant des enfants albinos, nous avons invité des couples albinos et non albinos et aussi des albinos propres et nous avons procédé à la formation à une thématique concernant la santé pour les instruire par rapport à la protection de les peaux pour éviter des maladies de cancer ou d'autres maladies de la peau. Beaucoup d'albinos ont des difficultés particulières comme les plaies sur les peaux. Nous avons des problèmes au niveau visuel et aussi nous avons des problèmes au niveau de l'intégration sociale et économique. Sans oublier les difficultés par rapport à la sécurité de notre environnement social. Nous voulons que les matériels de protection de personnes atteintes d'albinisme soient toujours disponibles. Ça, c'est dans le cadre de la santé. Et nous voyons que les albinos en milieu scolaire connaissent des difficultés de voir les hauts tableaux. Nous comptons que le ministère ou la direction provinciale peuvent initier certaines formations à l'endroit des instituteurs pour qu'ils sachent comment prendre en charge les personnes atteintes d'albinisme. Au niveau de la protection sociale, et nous constatons qu'à un certain moment, un enfant albinos n'est pas pris en considération comme tant d'autres enfants. Et aussi au niveau de la protection sociale, vous avez constaté qu'il y a des années et même dernièrement, il y a un albinos qui a été tué en province Outana. Et jusqu'ici, nous constatons que notre sécurité n'est pas garantie. C'est pourquoi nous devons continuer la sensibilisation pour que notre sécurité soit garantie du point de vue environnemental et aussi au niveau social par rapport à nos familles d'origine. Les barrières culturelles, l'insuffisance du personnel chargé d'éducation physique qualifiée, le manque d'espace de jeu. Voilà quelques obstacles liés au développement du sport au Burundi. Ces constats sont sortis d'un colloque sur le développement du sport au Burundi organisé par l'organisation Play International ce jeudi. Le représentant du gouvernement dans ce colloque a déclaré que le gouvernement burundais a déjà initié la construction d'un stade omnisport. Les détails avec Jean de Dieu Irakoze. Le sport inspire, rassemble et fédère. le sport au-delà de sa dimension. Le sport est un puissant outil de transformation, comme l'a déclaré la directrice de l'Agence française de développement ayant financé ce colloque sur le développement du sport au Burundi. Elle a ajouté de même que le chef de mission de l'organisation Play International, partenaire de mise en œuvre, que ce colloque a été organisé dans l'objectif d'échanger autour de diverses thématiques et réfléchir sur l'impact social du sport au Burundi. Le sport inspire, rassemble et fédère. Le sport, au-delà de sa dimension compétitive, est un puissant vecteur de transformation sociale et économique. Il porte en lui les valeurs de discipline, de respect, de solidarité et de résilience qui sont essentielles pour construire des sociétés plus justes et plus inclusives. Les conclusions issues de ce colloque montrent qu'il persiste des obstacles qui entravent le développement du sport au Burundi. Entre autres, le manque d'espace de jeu, comme le souligne Salvatore Wigimana, secrétaire général du Comité national olympique, ayant lu le compte rendu de ce colloque. C'est qu'au niveau du système éducatif, il y a un manque de personnel, un manque de temps et d'espace de jeu. Et par rapport à ces deux barrières, il nous faut un nombre suffisant de professeurs, au moins un professeur dans chaque école dès le fondamental, voire préscolaire, et disponibiliser des espaces et doter surtout dans le préscolaire et fondamental des espaces de jeu. Et il faut aussi, au niveau du temps, leur donner du temps pour la pratique. De son côté, le représentant du gouvernement dans ses assises, qui est le directeur général au sein du ministère en charge du sport, Samuel Niyubawe, a déclaré que le gouvernement burundais s'est engagé à poursuivre ses appuis envers les fédérations de sport. Ces dernières années, le gouvernement a initié la construction du stade Omnisport de Bujumbura, l'appui à l'organisation des championnats scolaires, la poursuite des appuis aux fédérations pour l'émergence des talents et de champions de domaine. Les participants à ce colloque ont en outre indiqué que le marché des matériels de sport et équipements sportifs est presque inexploité au Burundi. Ils ont expliqué qu'une seule personne confectionne les ballons d'une façon artisanale à l'heure actuelle. Jean de Dieu, il a causé nouvelles de province pour boucler cette édition. Les travaux de réhabilitation du pont sur la rivière Gitotwe dans la route nationale numéro 3, tronçon Lumongue-Nyanzalac, vont reprendre moyennant construction d'une dalle supplémentaire. Au niveau de l'agence routière du Burundi, ARB, qui avait décidé la suspension de ces travaux le 21 mai dernier, l'on informe que les récents résultats des essais du béton de la dalle y aménagée ont été en dessous des normes. Correspondant signé Jean-Pierre Misago. Après le résultat des essais sur le béton ayant servi à l'aménagement de la dalle du pont sur la rivière Gitotwe, des essais au bout de 7 jours dont le résultat s'est révélé en dessous des normes, obligeant du coup l'agence routière du Burundi, maître d'ouvrage et délégué du gouvernement burundais dans ce projet, à suspendre le bétonnage de cet ouvrage. Même le résultat des essais réalisés au bout de 28 jours, sorti ce jeudi, s'est révélé en dessous des normes, selon des sources auprès de l'agence routière du Burundi. Selon ces sources, l'entreprise chinoise Chico, exécutant les travaux de réhabilitation et de butimage de ce tronçon, est donc obligé de renforcer cette dalle par une autre, tout en veillant au respect de la hauteur de l'ouvrage. Il s'agit là d'une réponse aux inquiétudes de certains des usagers de cette route qui se demandaient ce qui s'est passé, ne voyant sur le terrain que le ferraillage en attente d'être bétonné sur cette dalle, mais du matériel servant dans la soudure et les bétonnières ayant été déjà rapatriées vers la base vide de ce projet. De l'autre côté, sur le tronçon Rumonge-Gitaza, c'est la reprise des activités par l'entreprise Sogeas Atom, projetée pour bientôt, après près de 2 mois de suspension, et cela intervient à l'issue d'une entrevue ce mardi entre le ministre ayant les infrastructures dans ses attributions et la directrice régionale de Sogeas Atom, après la signature d'un procès verbal de dénouement du blocage des 10 travaux lit-on sur le compte X de l'agence routière du Burundi. Jean-Pierre Misago de Purumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre. Et c'est ainsi que nous bouclons cette édition. Merci pour votre oreille attentive et fidèle à la présentation. Vous étiez avec Doré Bingabilé. Albert Ndouayo assurait la mise en onde. Restez branchés sur nos ondes.